France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. De l'importance du tablier au lycée. Cela n'est pas anecdotique pour Florence Delay, pour qui le lycée, les années de lycée furent une merveille. Chaque journée, c'était le monde entier. Le lycée qui donne le goût de l'étude pour toujours. Dans une série d'Avoie Nue, l'académicienne Florence Delay revient sur ses années d'enfance et d'adolescence, sur sa carrière d'enseignante à la Sorbonne, sur ses romans, sur ses traductions, sur le théâtre. Sur l'écriture, bien sûr, oui, Florence Delay l'a toujours souhaité, l'écriture, mais a toujours aussi voulu le bonheur, ce qui pouvait paraître impossible à concilier selon certains textes familiaux. De la fille de Jean Delay à la Jeanne de Robert Bresson, l'appel de l'Espagne, puis la quête du théâtre, voici les trois premiers volets de cette série d'Avoie Nue. Avoie Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Ce soir, la fille de Jean Delay, la Jeanne de Robert Bresson. Bonsoir Florence Delay. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre appartement. Nous sommes boulevard Saint-Michel à Paris. Florence Delay, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, traductrice, mais également comédienne, scénariste. Vous êtes née à Paris le 19 mars 1941. Vous avez été enseignante à la Sorbonne en littérature générale et comparée, et vous êtes l'auteur de nombreux romans, de Minuit sur les Jeux, votre premier, à Trois désobéissances, le dernier en date. Agrégée d'espagnol, vous avez traduit quelques-uns des grands auteurs de ce pays. Passionnée de théâtre, de poésie et de chevalerie, on vous doit, à vous et à votre complice Jacques Roubaud, Graal Théâtre, cette imposante fresque théâtrale qui revisite la légende du roi Arthur. Florence Delay, ce soir, nous tenterons de conjurer la chronologie, que vous n'aimez guère, et à laquelle vous préférez l'idée de progression par cercle. Nous commencerons néanmoins par votre enfance et votre adolescence, période durant laquelle vous avez longtemps été, aux regards extérieurs, la fille de votre père, le professeur Jean Delay, puis la Jeanne de Robert Bresson, qui vous fit connaître du public pour la première fois. Et puisque nous commençons par les cercles, donc, commençons par le nom Delay, celui de votre père, titulaire de la chaire de clinique des maladies mentales et de l'encéphale à Sainte-Anne, mais également écrivain et auteur, entre autres d'une biographie d'André Gide. Être la fille du professeur Jean Delay, c'était déjà à partir à un milieu reconnu. L'appartenance à une famille est évidemment capitale, mais si vous voulez, elle est toujours conjurée, elle a été, enfin, je la revendique, je l'aime, j'ai aimé mes parents, je leur dois beaucoup, mais ce qui est très beau, c'est que on peut conjurer l'appartenance par le lycée. Et j'ai vécu les années de lycée, en fait, comme vivant dans une parfaite égalité avec tout le monde. C'était l'époque bénie où on avait un tablier. Et c'était un lycée de filles, lycée de La Fontaine, et nous avions cet uniforme du tablier qui faisait que l'appartenance, les robes, la différence ne se voyait pas. Nous avions le nom et la classe pour dire le tablier. C'est à la sortie du lycée, que prenant mes marques dans le monde, enfin, je me suis rendu compte que j'étais la fille de mon père et très vite la Jeanne de Bresson. Et alors, en même temps, j'en étais fière et un peu agacée. Et le temps passant, j'en ai été de plus en plus contente. Parce qu'au fond, je crois que mon père m'a, ainsi que ma mère, m'ont beaucoup donné, et Bresson aussi. Et puis, j'aime aimer, d'une certaine façon. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais tourné le dos à tant de ce que j'appelle des bienfaits, finalement. Alors, mon père exerçait un métier qui m'a fait très peur, toute petite. Il était donc psychiatre. Voilà. Il était psychiatre. Il était psychiatre. Et il avait été, dans sa jeunesse, tout à fait partagé entre la vocation de poète et d'écrivain, qu'il aimait par-dessus tout la littérature. Et puis, son père, il était fils unique, l'a guidé vers la médecine, et la chirurgie, qui lui a fait très peur. Et la découverte de la psychiatrie et des maladies mentales a été pour lui comme étrangement une délivrance, parce qu'il voyait le moyen de retrouver par la psychiatrie des grands problèmes de l'âme et de l'esprit. Et donc j'ai vécu une enfance auprès d'un père divisé qui essayait toujours de réunir. Et c'est pour ça que sur son épée, il avait pris comme symbole le dieu Janus. Vous savez, ce dieu qui a deux visages, dont l'un regarde d'un côté, l'autre de l'autre. Il a toujours voulu réunir ces deux visages dans cette vie double, mais une, de psychiatre et d'écrivain. Et vous évoquiez son livre sur Gide. C'est en fait très exactement un livre sur la jeunesse d'André Gide, où il a créé un genre qui s'appelle la psychobiographie, qui ensuite a été suivi par Dominique Fernandez et par d'autres, et où il explique finalement la genèse d'un artiste par sa jeunesse. Et il déplie devant nous la tapisserie, tous les fils, il entrecroise tous les fils qui feront de Gide l'homme qu'il fut. Arrêtons-nous un instant sur vos racines. Vous êtes née à Paris en 1941, donc vous êtes née parisienne, mais vos racines sont d'ailleurs basques et du Nord également. Je ne crois pas tellement aux racines, parce que je crois qu'on peut choisir, on peut les choisir aussi. Reste que les paysages de mon enfance, c'est le Pays basque. Voilà, j'aime Paris, mais je suis très émue par les paysages du Pays basque. Mais ensuite, comme je l'ai été d'ailleurs après, par les paysages de la Toscane, ou ensuite les paysages de l'Espagne. Moi, mon rêve aurait été d'avoir plusieurs pays et plusieurs langues. Vous naissez en 1941, Paris est occupé, c'est la guerre. Quelles sont les conditions de vie de vos premières années, de votre petite enfance? Avez-vous souffert du manque? Est-ce que la guerre a laissé des traces dans la famille? Aucune. Parce que d'abord, je ne me souviens de rien. Et ensuite, je crois avoir passé mon enfance auprès d'une nourrice pleine de lait. Et au Pays basque, finalement, ou souvent chez mes grands-parents qui habitaient Bayonne, et je n'ai pas souffert du tout. J'étais toute petite et je n'ai qu'un souvenir troublant de peur, qui est une descente à la cave par l'escalier de service. Vous savez, c'était ces immeubles haussmanniens où il y avait l'escalier principal et puis l'escalier de service. Et une nuit, j'ai le souvenir de descendre à la cave. Précipitamment ? Oui, précipitamment. Il devait y avoir une alerte. Et depuis, les escaliers de service me font peur. Et j'ai eu bien raison, parce que quelqu'un que j'aimais tendrement, quelqu'un qui avait joué Gauvin dans un film de Bresson, Humbert Balzan. Humbert Balzan, producteur indépendant, s'est suicidé dans un escalier de service. Et donc il est resté lié à cela, quelque chose d'angoissant et de menaçant. On a évoqué André Gide. André Gide a côtoyé votre famille. Il était parfois l'hôte de la maison de vacances de Bayonne. Comment André Gide est-il entré dans votre famille, Florence Delay? Mon père était allé à Bruxelles en 46 faire une conférence, sans doute accompagné de ma mère, et il dînait avec le professeur Henri Mondor. Henri Mondor, si vous voulez, est à Mallarmé ce que mon père a été à Gide. Il dînait à l'hôtel et à une table, il y avait André Gide qui dînait seul avec un livre. Et Henri Mondor a fait les présentations. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Gide lisait avec fascination un bouquin de Bernanos, Monsieur Wynne, dont on disait qu'il avait été l'inspirateur. Monsieur Wynne est un maître en déception. Monsieur Wynne est là pour démoraliser le pays où il vit. Et d'où son nom, Wynne, ni oui ni non. Et Gide, paraît-il, se délectait de sa lecture. C'est un des plus beaux romans d'ailleurs de Bernanos. Donc ils se sont rencontrés là. Ils se sont aimés tout de suite. Et mon père est devenu son ami. Et aussi un peu son médecin. Jusqu'au moment où il a été invité dans la maison de mes parents dans les Landes, à Miradour. Et je me souviens que il avait des petits objets fabuleux dont il me faisait cadeau, des petits Pinocchio qui se démantibulaient. Et j'allais tous les matins avec bonheur dans sa chambre jusqu'au moment où ma mère m'a dit qu'il valait mieux ne pas aller troubler Monsieur Gide dans sa chambre le matin. Mais je l'ai donc un peu connu, et là j'étais enfant. Est-ce qu'il y a une influence sur l'écrivaine en devenir, l'écrivain en devenir que vous étiez? Est-ce qu'il y a aussi un goût de la lecture qu'il vous a transmis ou pas du tout? Non, j'étais trop enfant. Reste qu'il y a une phrase de Gide qui a beaucoup compté pour moi. Il disait que lorsqu'il avait achevé un livre, il bondissait à l'autre extrémité de lui-même. Et cette idée du bond et de changer, de bifurquer, de changer de chemin, d'aller à l'autre extrême, m'a beaucoup marqué. Revenons au lycée. Florence Delay, vous nous sous-entendiez un certain bonheur d'aller au lycée, un certain bonheur de retrouver l'uniforme. Comment s'est déroulé votre parcours scolaire? Est-ce que vous aimiez l'école, tout simplement? Je l'ai aimé passionnément. Voilà, donc en fait, au début, dans les petites classes, je suis au couvent de l'Assomption, où je ne pense qu'à comptabiliser les sacrifices de mes disciples. Je suis d'une grande paresse. Et on me met au lycée. Donc, drame. Lycée public. Lycée public en 6e. Lycée La Fontaine. Lycée Jean de La Fontaine. Et au bout de quelques jours, je suis dans un état de bonheur. J'aime mon lycée. Et je fais partie de ceux, je crois qu'il y a deux grandes familles, ceux qui ont été très heureuses. Et je mets tout au féminin parce que c'était encore un lycée de filles. Et puis ceux qui ont été malheureux. Mais moi, j'ai aimé passionnément le lycée. Toutes mes amies de lycée sont restées mes amies. J'ai connu Liliane en 6e, Nadine en 5e, Natacha en 4e. Elles sont restées toutes proches. Le lycée, non seulement nous donnait tout extrêmement vite, l'idée de passer de l'histoire à la géographie en une heure, on passait du cours de la loi à une équation, etc. C'était une merveille. Chaque journée, c'était le monde entier. Et puis, c'était un lycée dont nos professeurs étaient passionnants. On y faisait de la danse. J'y montais chaque année une pièce de théâtre. C'était la belle vie. Et quand j'ai eu le bac de philo, pour aller dire au revoir à mes professeurs, je me suis mis tout en noir. comme Mathilde de la Mole. J'avais l'impression que ma vie était finie. C'était un grand deuil. C'était un grand deuil. Et j'ai essayé de raconter, mais de façon gaie et un peu peut-être ironique parfois, cette éducation dans mon premier livre qui s'appelle « Minuit sur les jeux ». Et j'ai été heureuse de revivre ces années avec un peu de distance et d'ironie, parce que peut-être que j'aimais trop le lycée. Mais il m'a donné ce que j'aurais jusqu'au bout, je crois. C'est le goût de l'étude. Et de ne jamais avoir l'impression qu'on s'arrête d'étudier, qu'on s'arrête de découvrir, qu'on s'arrête... Mais il y avait aussi quelque chose que j'ai gardé de lui, l'idée d'emploi du temps, de pouvoir bondir, et hop, on retrouve le bon, d'une chose à l'autre, d'un être à l'autre, d'une chose à l'autre, parce qu'il a éveillé une insatiable curiosité, curiosité d'enfant d'éléphant, presque. Et alors, en réalité, j'ai très mal travaillé. On m'avait mis en sixième nouvelle. Alors, la nouveauté apaisait un peu la blessure. En fait, c'était des classes pour les filles un peu retardées, quoi. On appelait ça nouveau, ce qui est génial. De dire que la nouveauté, c'est le retard. Et jusqu'au moment où j'ai redoublé ma troisième. Et après, hop, j'ai passé en tête. Et comment expliquez-vous, Florence Delay, ce formidable goût de l'étude que vous décrivez et pourtant ce redoublement? Ah, parce que le goût de l'étude est venu peut-être après. Je vais vous dire, je pensais d'abord à jouer, à danser, à monter des pièces, plus qu'au latin et aux mathématiques. Bon, donc je ne faisais que ce que j'aimais. Vous aimiez le français? J'aimais, les rédactions. J'aimais le français, j'aimais l'histoire, j'aimais apprendre des récitations et réciter. Mais bon, j'étais en retard pour beaucoup de matières. Je ne comprenais rien, ni à la physique, ni à la chimie, ni à beaucoup, beaucoup de matières. Lisiez-vous beaucoup Florence Delay en dehors du lycée? Oui. Des romans? Oui. Oui, et ça, ce goût de la lecture, encore une fois, je pense qu'il vient des maisons qu'on habite, parce qu'une maison qui n'a aucun livre et des enfants qui ne voient jamais ni leur père ni leur mère lire ne prennent pas le goût de la lecture. Vous vous souvenez de vos premiers émois en littérature? À moi, ce qui a déclenché tout, c'est Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Parce qu'il fallait que j'aille au dictionnaire à chaque page. Parce que le vocabulaire est richissime de Gautier. Ça ne vous rébutait pas? Ça m'excitait. Et vous voyez, à la fin de ma vie, je me retrouve à la commission du dictionnaire de l'Académie française. Donc finalement, tout se boucle. Et puis, il y avait l'aventure du théâtre. Et qui au fond m'est venu, je crois que le goût du théâtre m'est venu avec Le Capitaine Fracasse. L'arrivée des comédiens sur le chariot de Thespis, traîné par des bœufs dans le château délabré du baron de Sigognac en Chalosse. Et ensuite, cet air espagnol qui règne sur ce roman avec des mots, avec le personnage de Matamor. D'ailleurs, Gautier, il a écrit un magnifique voyage en Espagne. La littérature, c'était aussi une des grandes passions de votre père. Votre père était notamment fasciné par Gérard de Nerval et il avait cette phrase « Un déséquilibre peut favoriser l'activité créatrice et celle-ci instaurer un équilibre de nouveau ». D'où venait cette phrase, Florence Delay, de votre père? Et qu'est-ce qu'elle implique sur une certaine idée de la création? Une certaine idée que pour créer, il faut être un génie tourmenté, quelque part? Vous touchez là un point délicat. Un point délicat parce que toute mon enfance s'est forgée contre cette idée-là, à savoir qu'un déséquilibre nerveux autorisait d'une certaine façon la création. Mon père a beaucoup travaillé sur le rapport entre la névrose et la création. Et évidemment, les cas sont innombrables. de Saint-Paul à Nietzsche, à Dostoïevski. Et moi, ça me faisait très peur, parce que j'avais un tempérament très gai et que je souhaitais être heureuse. Mais je voulais aussi être écrivain. Donc, l'image de Nerval m'a effrayée à cause de ses crises de folie, à cause... Et mon père l'aimait chèrement. Et je pense que la phrase que vous citez vient de très nombreux articles qu'il a écrits sur l'auteur d'Aurélia et des Filles du Feu. Et je dois à une étudiante, bien des années plus tard, une étudiante de mon séminaire qui s'appelait le modèle, la copie, l'invention, d'avoir voulu travailler sur Nerval et étrangement d'avoir trouvé une relation entre un livre de moi et Nerval. Et j'ai été très étonnée parce que je n'avais jamais lu un roman de lui qui s'appelle Les Faux-Sonniers. Comme elle voulait beaucoup travailler sur Nerval, je me suis dit qu'il était temps de découvrir Nerval. Parce qu'au fond, je n'en avais qu'un cliché. Et j'ai commencé à lire tout Nerval avec un ravissement et une passion. Je me suis aperçue que c'était un homme bon et gai, qui avait lutté contre la maladie, qui, après chaque crise, après chaque internement à la Clinique Blanche, en ressortait avec une vaillance inouïe. Enfin, j'ai écrit donc un livre qui s'appelle « Dit Nerval », qui est un livre dans la collection de J.B. Pontalis, qui s'appelle « L'un et l'autre », et « L'un et l'autre », c'est finalement mon père et Nerval. Et vous-même, Florence Delay, où avez-vous trouvé la force et l'énergie pour prouver que la création pouvait se faire autrement que dans la souffrance et qu'elle pouvait se faire dans la joie? Vous étiez convaincue de ça, très jeune. Où avez-vous... Non, je crois que c'était une position. C'était un désir et une position. Il y avait dans ma nature de la gaieté, ça c'est sûr. Et je l'ai toujours, je la garde. Mais en même temps, c'était une affirmation. Une affirmation qui allait contre une négation. C'était un oui au bonheur de travailler, de découvrir, et un non un peu tremblant à l'anxiété, parce que on ne connaît la joie que si on connaît son contraire, n'est-ce pas? Et son contraire n'est pas la dépression. La dépression est une maladie. Le contraire de la joie est la tristesse, qui est un mot en voie de disparition. Parce que je ne sais pas si autour de vous, vous avez quelqu'un qui dit tout simplement « je suis triste ». Non, on vous dira « je suis déprimé, je ne vais pas bien ». Non, la tristesse existe. Et la tristitia, au Moyen-Âge, selon les pères de l'Église, était un péché capital. En 1962, Florence Delay, vous incarnez Jeanne d'Arc pour Robert Bresson, pour son film « Procès de Jeanne d'Arc ». Il a fallu obtenir l'autorisation de vos parents pour jouer, incarner ce rôle. Comment votre père vous a-t-il donné son aval? Est-ce que ça a été facile? Non. Non. Mon père appartenait profondément à la bourgeoisie éclairée, et à ses yeux, le cinéma sentait le soufre. Il avait pour ami Pierre-Aimé Touchard, qui avait été administrateur du Théâtre Français, qui déjà lui avait expliqué que le théâtre... bon. Donc le théâtre, le cinéma, tout ça n'était pas le chemin destiné à sa fille ou à ses filles. Et c'est ainsi qu'il a refusé que ma sœur tourne Julietta, le film de Marc Allégret, à partir du roman de Louise de Villemorin, et que Jeanne, eh bien, c'était quand même un beau rôle, et il a finalement dit oui. Mais vous voyez, je n'ai pas porté mon nom dans ce film, J'ai pris le nom de ma mère. Il ne souhaitait pas Caresse. Son nom. Oui, voilà. Après, est-ce que je peux l'avouer? Quand il a vu le film, il m'a dit qu'il était très ennuyeux. Voilà. Mais passons. Oublions ce jugement. Robert Bresson était connu pour ne pas faire de casting à proprement parler. Il avait coutume de préférer aussi des interprètes non professionnels. Comment êtes-vous arrivé jusqu'à lui? Par une filière intime, qui était que je citais parmi mes amis de toujours Natacha. Il s'agit de Natacha Michel, avec qui je vais travailler beaucoup par la suite, puisque nous écrirons ensemble nos premiers romans. Et Natacha, fille du réalisateur André Michel, amie de Bresson, André Michel, avait tourné des essais pour Pickpocket, 2 ans avant Jeanne. Et c'est ainsi qu'un soir d'hiver, au TNP, je rencontre les parents de Natacha, et Lydia Michel me dit, en te regardant, elle était russe, je pense que peut-être Robert Bresson cherche une Jeanne, Natacha devrait t'amener à lui. Et Natacha m'a amené Île Saint-Louis, où habitait Robert Bresson. De même que 3 ou 4 ans, j'y conduirais Anne Wiazemski, qui tournerait à ce moment-là au hasard Balthazar. Donc il y avait une sorte, les amis, l'entourage, connaissaient un peu les visages ou les âmes avec lesquelles il avait envie de travailler. Vous aviez le goût du jeu, vous aviez aussi le goût du théâtre, et là vous vous retrouvez au cinéma, à interpréter un rôle-titre. J'ai obéi. Il y avait en face un maître, quelqu'un qui avait tout son film dans la tête, et qui demandait une certaine concentration. J'ai le sentiment d'être élève. Enfin, il disait qu'on était ses modèles, mais d'abord, je ne connaissais pas du tout Jeanne d'Arc. Je n'avais que des images d'Épinal dans la tête. Et le bonheur a été immense d'entrer par ses propres paroles. C'est-à-dire, le film de Robert Bresson, Procès de Jeanne d'Arc, est fondé sur les minutes du procès qui existent et de l'autre procès 20 ans après de réhabilitation que sa mère a fait pour que soit réhabilité le nom de sa fille. Et donc, les paroles sont celles qu'elle a dit. Bien sûr, reprises par Robert Bresson, parce que c'était un Français très éloigné et moyenâgeux, enfin encore un peu moyenâgeux, auquel il a donné une espèce de clarté française merveilleuse. Et donc, le sentiment de dire, c'est en disant les paroles que je me suis approché d'elle. C'était par moments terribles. Par exemple, le moment où elle abjure, où par peur du feu, elle accepte de dire que ses voix n'étaient pas de Dieu et qu'elle s'est trompée. Et ça, c'était un moment terrible. C'est comme si j'annulais tout ce que j'avais dit. Donc finalement, à la fin du film, c'était le bûcher. Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que on avait tous ce sentiment-là d'ailleurs. Cochon, Jean-Claude Fourneau, ceux qui étaient là, c'était une petite assemblée. On tournait à l'Observatoire de Meudon avec une équipe, une petite équipe, et il régnait une atmosphère assez extraordinaire. Pas de couvent du tout, mais de monastère aéré. Et on avait tous le sentiment que le film serait un grand film. Merci Florence Delay. À demain. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant 1 an sur franceculture.fr. retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay. À voix nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Ce soir, l'appel de l'Espagne. Bonsoir, Florence Delay. Florence Delay, vous êtes écrivain, essayiste, traductrice, comédienne, scénariste. Vous avez été professeur de littérature générale et comparée à la Sorbonne. Vous êtes aujourd'hui membre de l'Académie française. Nous évoquions hier votre enfance. Nous avons aussi parlé de votre père, le célèbre psychiatre Jean Delay. Florence Delay, vous êtes aussi hispaniste, agrégée d'espagnol. Vous avez traduit du théâtre, de la poésie, des essais. Ce soir, dans l'appel de l'Espagne, c'est donc l'une de vos grandes passions dont nous allons parler. Car l'Espagne est bien plus qu'un champ d'études. Et, première question, comment un pays, sachant l'immense réalité que cela recouvre, peut-il être l'objet d'une passion ? Je pense que pour chacun, c'est différent. On a tous des pays qui déclenchent en nous des rêves ou des études. Je crois que ce qui a été déterminant en Espagne, pour moi, ça a été la poésie et la prose. Je crois que le... La langue avant tout. Oui, la langue et la poésie et le théâtre espagnol. Même si j'ai des souvenirs d'enfance qui sont autres. Par exemple, ma mère me rapporte de Saint-Sébastien une poupée qui s'appelle Mariquita Pérez avec tout un vestiaire absolument merveilleux. Même si aller avec ma mère, passer la frontière, était une fête. Même si à Bayonne, il y avait une rue qui s'appelait la rue d'Espagne. Et on avait l'impression qu'on prenait la rue d'Espagne et qu'on arrivait en Espagne. Même si de très loin de la maison de mes parents à Miradour, on voyait un peu de Pyrénées, il y avait cette présence proche certainement. Mais ce qui a véritablement a commencé à m'envahir, ça a été la poésie de Lorca, puis le théâtre de Calderón, puis enfin toute une littérature magnifique qui était, comment vous dire, choisie par moi. Tout ce qui était français était donné. J'étais française, ma langue maternelle était le français, mais l'autre langue, c'était celle que je choisissais. C'était une langue non maternelle, la langue des aventures, la langue de la formation, la langue d'un autre moi. Et la passion a monté, voilà. Et pourquoi l'espagnol, Florence Delay ? Pourquoi pas l'anglais ? Je pense qu'il y a eu la proximité du Pays basque et de l'Espagne, et cette chose qui était ce pays si proche. Mais j'ai eu une passion aussi pour l'anglais, mais j'ai tout perdu. Mais j'ai pu à une époque lire Shakespeare. Et puis je vais vous dire, je suis très contente au fond, parce que combien d'écrivains parmi nous ont choisi l'Angleterre et l'Italie. On n'est pas très nombreux avec l'Espagne. On n'est pas très nombreux. Et donc, ça m'a donné, plus d'oxygène. Est-ce que la première bouffée d'oxygène, c'est cette année de vos 15 ans, 1956, où vous découvrez l'Espagne pour un séjour long, un séjour de langue. C'est ça la première bouffée d'oxygène ? Oui, vraiment. C'est le train que je prends pour la première fois. Ma sœur me met au train Irún-Barcelone. Et j'arrive à Barcelone pour un été dans une famille que je ne connais pas. Je parle très mal. Et j'ai la chance de tomber dans une famille enchantée, en pleine campagne. Une famille poétique, en fait. Et donc, je suis arrivée avec ma guitare dans une espèce de grand manoir un peu délabré. Et tout est devenu nouveau. Le soleil, la lune, le riz, le raisin, tout était dans une autre langue nouveau. C'était un séjour de langue, Florence Delay. L'idée était de revenir sachant l'espagnol. En sachant l'espagnol, c'est un grand mot. Mais c'était donc l'année où j'ai redoublé et où la directrice du lycée a dit à ma mère, envoyez-la au pays des langues vivantes. Et c'est comme ça qu'au printemps, je suis allée en Angleterre et l'été, j'ai été en Espagne. Et là, effectivement, ces voyages ont été déterminants parce que j'ai choisi l'Espagne et pas l'anglais. Et pourtant, l'autre famille aussi anglaise était très intéressante. J'ai même rencontré un fantôme. Mais je crois que j'ai préféré les fantômes de l'autre côté des Pyrénées. La rencontre avec l'Espagne, c'est aussi une rencontre avec Federico García Lorca. Comment les œuvres complètes, las obras completas de ce grand poète, arrivent dans vos mains, Florence Delay? Eh bien, c'est au retour du voyage espagnol que René Char, auquel ma mère m'a présenté avant le départ, c'est lui qui sentant comme ça le choc qu'a été le séjour et peut-être les premiers poèmes que sans lui j'ai découvert, il m'offre les œuvres complètes de Lorca qui viennent d'être publiés, parce que jusqu'alors il est pratiquement un poète interdit, puisqu'il a été assassiné au tout début de la guerre d'Espagne, en 1936, à Grenade, sa Grenade. Et ce volume, c'est le premier livre précieux que j'ai. Et dans ce livre, il y a des dessins de Lorca. Et c'est alors que je commence à imiter sa signature et je fais un F de Florence absolument démesuré, comme un coup de girafe, parce que lui faisait Federico avec un F énorme. Et il y a aussi la musique populaire qu'il a enregistrée, puisqu'il a travaillé avec Manuel de Falla dans sa jeunesse. Et il y a, j'apprends sur ma guitare toutes les chansons qu'il a retranscrites et les poèmes, la musique, le dessin, tout ça s'entrecroise. Il devient un premier amour. René Char m'offre une photo de lui, pas de lui René Char, mais de Federico, et commence mon aventure espagnole avec lui. Nous sommes dans les années 50. Que saviez-vous, Florence Delay, de la politique en Espagne, de la dictature de Franco, de la guerre civile? Qu'en saviez-vous à cette époque, à 15 ans? À 15 ans, rien. Rien. Je tombe dans une famille où on appelle Franco le juif, el judío, et c'est une famille, je comprendrai après, de monarchistes, qui sont anti-franquistes par amour du roi. Et je ne sais rien. Et je découvrirai l'histoire, la politique et l'histoire, quelques années après, non point par la guerre d'Algérie, qui correspond à mes années d'adolescence, mais par la guerre d'Espagne, quand je travaille sur un autre poète très important, magnifique, qui s'appelle Miguel Hernandez, et qui est engagé du côté de la République, et où pour faire mon sujet de mémoire de maîtrise sur lui, je dois rencontrer les amis qui restent, ceux qui l'ont connu, Et où brusquement, je découvre le gouffre entre les deux Espagnes. Et là, vous êtes à Madrid pour ces recherches. Oui, oui, à Madrid. Et vous allez rester combien de temps à Madrid? Alors là, je fais un saut dans le temps, parce que c'est à l'époque où je ferai, après ma licence, où je ferai un mémoire de maîtrise. Je n'ai jamais vécu longtemps en Espagne. Ça a toujours été très bref, je la connais très peu finalement. Peut-être qu'un jour, je vais faire un grand voyage en Espagne, avant de mourir peut-être, mais je la connais peu. Je suis allée en Andalousie, en Castille, du côté de Tolède, mais je la connais peu finalement. Mais je la connais... Vous connaissez beaucoup. Son histoire, sa littérature. Je connais tous les paysages qui ont été décrits. Je n'ai pas été dans le pays de Don Quichotte, mais croyez-moi, la Manche, je la connais aussi bien qu'un habitant de la Manche. Don Quichotte, c'est un peu le premier chevalier, quelque part. C'est le premier chevalier. C'est en effet le premier chevalier. Et bon, c'est un de mes livres les plus aimés, dont je m'émerveille toujours qu'il ait été écrit pour soi-disant nuire au roman de chevalerie, alors qu'il est le dernier roman de chevalerie et le premier roman des temps modernes. Oui, c'est... Qu'est-ce qui vous fascine chez Don Quichotte, Florence Delay? Sa foi idéaliste. Et il croit, dur comme fer, à ce qu'il lit. À ce qu'il lit et aux prouesses qui consistent à défendre les pauvres, les humiliés, les galériens, la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire l'idéal chevaleresque, non ? Et que, contre vent et marée, il mène son aventure avec Sancho pour le dialogue. Mais ce qui me fascine peut-être le plus, c'est Cervantes, parce qu'au début, on a l'impression que Cervantes en fait un héros comique. Et puis, petit à petit, Cervantes s'éprend de lui. Et il commence à éprouver de plus en plus d'affection pour l'ingénieux Hidalgo. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous. Et quand, à la toute fin, après la seconde partie, parce qu'il y a eu un tel succès de la première partie qu'il y a eu une continuation apocryphe jusqu'au moment où Cervantes... reprend la parole et fait mourir son héros pour être sûr que plus personne ne le lui prendra. À la fin, Don Quichotte tombe malade et puis s'endort et se réveille en disant « Je me suis trompé. Tout ce que j'ai vécu était illusion. » C'est terrible. Et Sancho pleure et nous aussi. Et Sancho lui dit, mais non, c'était vrai, mais non, le mathémagicien Merlin existe, mais tout était vrai. Non, dit Don Quichotte. Et ça, c'est le retournement le plus douloureux de la littérature, en tout cas pour moi. L'appel de l'Espagne, c'est donc la littérature, et puis ça va devenir la langue elle-même. Vous préparez, Florence Delay, une agrégation d'espagnol. Et en juillet 1966, vous apprenez que vous êtes recalé à l'oral. C'était... Vous y attendiez ? C'était une grosse déception ? Je m'y attendais. À vrai dire, je n'ai pas préparé l'agrégation de Gaieté de cœur. J'avais fait une licence, un mémoire de méprise. De méprise, mon Dieu ! Quel beau lapsus, mémoire de maîtrise. Mais mon grand amour, c'était le théâtre. Puis, des circonstances de la vie privée ont fait que j'étais mise en face d'un choix. Il fallait ou gagner ma vie, ou... Et donc, j'ai préparé l'agrégation. Mais avec tristesse. Sauf que le programme était tellement passionnant que que je me suis laissée embarquer à nouveau. Et quand j'ai été recalée, j'ai été la première recalée à l'oral. Et je me suis dit, bon ben voilà, le destin a parlé, je ne passerai pas l'agrégation, je vais retourner au théâtre. Et alors, il y avait un professeur extraordinaire, Maurice Moyo. C'est lui qui a fait l'édition des romans picaresques espagnols dans la Pléiade. Maurice Moyo était président du jury. C'était un grand philologue. Il boitait et il élevait un ménate chez lui. Et donc, on était tous fascinés par lui, par sa boiterie, par le ménate. Et en boitant, il m'a dit « Oui, Florence Delay, je vois bien à quoi vous pensez. Vous vous dites « C'est pas pour moi, tous ces concours ». Vous vous dites, je vais faire autre chose, je veux écrire. Alors que c'était... Eh bien, écoutez, vous allez me faire le plaisir de recommencer immédiatement à préparer le concours, parce que vous avez tout le temps de faire ce que vous aimez après. Et cette conversation a été capitale, je me rappelle, c'était dans la cour du lycée Henri IV. On a fait le tour, il boitait, là, il disait, vous allez me faire le plaisir de vous remettre tout de suite au travail et vous passer l'année prochaine. Et il avait raison. Et j'ai remis ça. Et je suis sortie seconde. La première, je le précise, étant espagnole. Elle s'appelle Milagros Esquerdo. Je me souviens encore. C'était une revanche. C'était pas une revanche, c'était un grand soulagement. Et alors, figurez-vous que le jury m'a reçu et m'a donné mon assignation. Et je devais commencer... à enseigner au lycée Jeanne d'Arc de Rouen. Les cercles de la vie. Voilà. Florence Delay, au préalable, vous aviez préparé un mémoire sur Hernandez. Voilà. Mémoire pour lequel vous étiez à Madrid. C'est ça. Et dans le cadre de ce mémoire, vous commencez des recherches et vous recherchez les personnes vivantes qui ont côtoyé Hernandez pour vos recherches. Et c'est comme ça, donc, que vous rencontrez José Balgamín. Exactement. Oui, je ne connaissais pas du tout cet écrivain et j'ai été voir en fait le directeur d'une revue, Crucilaya, qui était sa revue, où Bergamine avait publié la première pièce de théâtre de Miguel, qui était un acte sacramentel inspiré de Calderón. Et cette rencontre a été pour moi déterminante. Je me souviens, Bergamine m'avait donné rendez-vous après une conférence qu'il prononçait. C'était une conférence qui portait sur la censure, sujet risqué. Et j'avais été très frappée de la composition de la salle. Il y avait deux rangs, les deux premiers rangs, aux deux premiers rangs étaient assis des hommes avec un imperméable. Et puis après, enfin c'est dans mon souvenir, hein, et après il y avait des hommes âgés et des jeunes gens. Et en fait, la salle était pleine de républicains avec leur petit-fils. Et c'est comme cela que je l'ai connu. Et après. Je l'ai beaucoup, beaucoup vu, d'abord parce qu'un mois après, il allait être à nouveau exilé d'Espagne, il allait être exilé à Paris, et c'est là où régulièrement je l'ai vu, que j'ai commencé à apprendre de lui, à le traduire, et où il m'a ouvert alors toute une autre Espagne qui était la sienne. On n'a pas rappelé, c'est vrai, que José Balgamín était donc un dramaturge, un poète, aussi une figure intellectuelle de l'Espagne. Il est né en 1895, et donc il a été exilé plusieurs reprises. À plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il a été de ceux qui ont pris le parti de la République, bien que catholique, et d'une famille attachée à la monarchie. Il a pris très clairement fait cause pour la République, qu'il a représenté, pour lequel il est allé à New York et à Moscou chercher des soutiens. Et puis, il est parti à la fin de la guerre, au moment, à la défaite de la République. Il est parti en 1939, il a d'abord été exilé en Amérique latine, au Mexique, puis au Venezuela, puis il est revenu une première fois. Puis il a de nouveau été exilé à cause de ses prises de position. Et puis il est rentré une dernière fois. Et voilà, c'est une vie, une grande vie douloureuse. Et dont la deuxième moitié contraste terriblement avec la première. Parce que la première, c'est la génération de 27, la génération poétique éblouissante, une sorte de siècle d'or espagnol. Il est l'ami de Lorca, il est l'éditeur de Lorca, du poète à New York. Il est... Et c'est une période si heureuse que... D'ailleurs, il divisait lui-même sa vie en deux. Il disait, la première partie de ma vie s'est achevée en 36, où je suis mort. Et la deuxième partie de la vie était... Donc tout cela a été pour moi très, très marquant. Et... Vous dites souvent que José Balcamin, Florence Delay, était votre ami, mais vous dites aussi qu'il était votre maître. Oui. Oui, parce que il était un modèle, et comme tous les maîtres, il était cruel. C'est-à-dire qu'il ne craignait pas de vous blesser. Mais en même temps, il y a une page très belle de lui où il explique que par la blessure entre la lumière. Et ce n'est pas faux. Et nous ne pouvons pas... ne pas mentionner dans cet appel de l'Espagne l'aficionada que vous êtes, Florence Delay, c'est donc cet amour de la tauromachie. À quel âge entrez-vous pour la première fois dans une arène pour assister à une corrida ? Mon grand-père était maire de Bayonne, et étant maire de Bayonne, c'est lui qui lançait les clés du toril dans les arènes aux alguacils. Et il se trouve que je dois avoir 16 ans, il me donne une place pour une corrida mythique, qui est un mano a mano, c'est-à-dire deux toreros qui s'affrontent d'une certaine façon, qui étaient Antonio Ordóñez et Luis Miguel Domínguez. Donc ma première corrida a été entre deux très grandes figures de la tauromachie, très opposées. Et c'est une corrida fameuse, disais-je, parce que Ernest Hemingway... qui suivait Antonio Ordóñez et Dominguín cet été-là, était là, la très belle Ava Gardner aussi, enfin, voilà. Mais la corrida n'a vraiment été... n'est devenue une source, une école pour moi, qu'à travers les livres de Bergamine. L'art de Birlibirloqué ou l'art d'Abracadabra, il y a quelques essais taurins de José Bergamín, qui sont extraordinaires, qui dépassent de beaucoup la tauromachie. Et qui nous montrent donc que la tauromachie n'est pas seulement l'art de taurer dans une arène, n'est pas seulement la course de taureau telle qu'elle est accusée ou persécutée, c'est une école. C'est une école de courage, de morale, et puis j'ai envie de dire une école de rien du tout, parce que j'étais à Nîmes au mois de septembre, que j'ai vu taurer José Tomás, et qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a que de la grâce. Il n'y a que de la grâce, de l'émotion. Et je crois que pour 13 500 personnes, ce qui s'est passé à Nîmes est inoubliable. De José Bergamín, vous traduisez aussi la solitude sonore du toreo, titre dont originel en espagnol était la música callada del toreo, et donc de la musique tue, vous traduisez la solitude sonore. Le Bergamín s'explique sur son titre, il est emprunté à Saint Jean de la Croix, au cantique spirituel, et les deux vers se suivent, la música callada, la soledad sonora. Et donc, Bergamín dit qu'ils veulent dire la même chose. Or, en français, la musique tue du toré, la musique tue, la musique silencieuse, c'est pas ça. C'est tue au sens malarméen, n'allez pas. Alors, j'ai sauté au vers suivant. Parce que la solitude sonore du toréo, en français, Voilà. Et ça a été très très difficile. Bergamine est très très difficile à traduire. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est de traduire pour tout le monde en mettant le lexique taurin dans la marge pour que les aficionados s'y retrouvent très vite, mais pour que celui qui ne connaît pas la course de taureau puisse lire ce livre autrement, comme un traité d'autre chose. Est-ce que dans la traduction de cette phrase, on retrouve l'essence et en même temps la difficulté de la traduction ? Oui. Une des difficultés, en dehors du problème du lexique taurin, une des difficultés, vous voyez, c'est que Bergamine, comme beaucoup de grands Espagnols, joue tout le temps avec les mots. Et le jeu de mots, c'est la chose la plus intraduisible au monde, parce que c'est le génie de la langue. Voilà, c'est là une des grandes difficultés. Merci, Florence Delay. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay. À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Ce soir, la quête du théâtre. Bonsoir Florence Delay et merci de nous recevoir chez vous, boulevard Saint-Michel à Paris. Florence Delay, je rappelle que vous êtes écrivain et essayiste, vous êtes aussi traductrice, agrégée d'espagnol, vous êtes également comédienne et scénariste, et vous êtes membre de l'Académie française. Nous avons parlé hier de l'une de vos passions, l'Espagne, sa langue, son histoire, ses poètes, ses arènes. Nous évoquerons ce soir une autre de vos grandes passions, une passion première peut-être, le théâtre. Est-ce qu'on peut dire que le théâtre, Florence Delay, c'est avant tout, avant le mot théâtre même, c'est avant tout, tout simplement, le jeu des enfants ? Mais oui, jouer sert aux enfants et au théâtre. Les premières rondes de l'enfance, les jeux que l'on imagine, quelquefois les enfants jouent... Aujourd'hui, je vois beaucoup jouer avec des machines, mais avant les machines, les jeux venaient de l'imagination. Et je crois que ce goût de jouer se prend petit et il va avec se déguiser, devenir un autre. Le temps de la récréation ou du jeudi qui est le mercredi ou... Ça vient, oui, de la petite enfance et certains le gardent toute la vie. Et puis après le jeu inventé, le déguisement, il y a cette chose merveilleuse qui est de prendre les paroles d'un autre. et d'entrer dans un autre personnage. Comme je ne suis pas un grand amateur du moi-moi, j'ai eu souvent envie dans ma vie d'être une autre, un autre. Et le théâtre, comme le roman, permettent cela. Restons un instant sur le jeu de l'enfant. Est-ce qu'on peut dire que, enfant, vous faisiez du théâtre comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans le savoir, Florence Delay? Oui, comme beaucoup d'enfants, j'ai commencé à monter des spectacles. Je peux vous dire que mon premier rôle a été celui de l'âne. J'ai joué en petite classe La Revanche de Cadichon, où je devais braire de façon pathétique. Et je me souviens encore des paroles. Après mon braiement, je pouvais simplement dire « I-en, belle musique, I-en, pas compliqué ». Voilà, donc mon premier rôle m'a beaucoup marqué. Et puis après, au lycée, ça a été merveilleux. Chaque année, avec mes amis, on a monté en sixième un acte des Fourberies de Scapin, en cinquième, Emrio, un poème de Victor Hugo, parce qu'il y avait beaucoup de preux, donc toutes les filles de la classe voulaient être dans le poème. En quatrième, on a monté toutes les Fourberies et un proverbe de Musset. En troisième, rien du tout, parce que j'ai redoublé. Donc j'ai été punie. Donc en seconde, on a monté Fantasio de Musset. Puis ensuite, la seconde surprise de l'amour de Marivaux. Chaque année, nous montions un spectacle. Et je pensais que c'était ça, la belle vie. C'était faire du théâtre. Alors au début, vous savez, on rêve quand on est une jeune fille. Je pensais en toute simplicité fonder une troupe, écrire les pièces que j'allais jouer. Puis je me suis aperçue que c'était très très difficile. Et j'ai quand même gardé une certaine jalousie envers Ariane Mouchkine, que j'admire beaucoup, et sa compagnie du soleil. Ça, c'est Théâtre du soleil. Voilà, donc c'est venu très, très jeune. Le lycée n'a fait que le soutenir avec ces pièces que nous avions le droit et de monter, au contraire, encouragées par nos professeurs. Et puis, après, j'ai en sourdine fait l'école du Vieux Colombier. En sourdine, parce que officiellement, je préparais ma licence. En sourdine, c'est-à-dire que vous n'aviez pas mis vos parents au courant? Si, mais je leur ai dit que j'irais très peu, quoi. j'ai essayé de faire passer les choses. Voilà. Et c'était si difficile à faire accepter à votre père, mais notamment comme je vous disais l'autre soir. Le théâtre et le cinéma étaient mal vus. On me voyait très bien professeur à la Sorbonne, ce que j'ai fini par devenir, mais pas sur les planches. Et assez vite, c'est aussi l'écriture qui vous a intéressé dans le théâtre? Écoutez, non, parce que mes premières tentatives ont été d'une très grande médiocrité. Enfin, je veux dire, je me souviens très bien de la première pièce que j'ai essayé d'écrire, qui s'appelait L'Orage ou La Révolution Imaginaire. Et c'était une histoire, au fond, toujours sourdement inspirée par le capitaine Fracasse. C'était une troupe de comédiens qui arrivait dans une maison entre le Tarn et l'Aveyron, dans un village extrêmement isolé où il y avait un château, et les seigneurs n'étaient pas au courant de la Révolution française. Et les comédiens la leur représentaient. Représentaient plus exactement le procès de Saint-Just. Et alors j'ai vraiment essayé. Mais voilà, je n'étais pas douée. Et puis, je prendrai ma revanche bien, bien des années plus tard, quand j'entreprendrai avec Jacques Roubaud le Graal Théâtre. Mais pour l'heure, voilà, non. Vous aviez quel âge lors de cette première tentative d'écriture? J'ai 20 ans. C'est l'été avant l'année avant Jeanne. Jeanne, donc l'incarnation de Jeanne d'Arc, hein, après dans le film. Le film de Bresson. Il faut vous dire aussi, c'est important, c'est qu'aimer le théâtre, c'est y aller. Et que je suis, depuis la sixième à la philo, abonnée au TNP. Non, les abonnements ont commencé un peu plus tard. Mais j'ai vu, enfin, c'est ma, comment dire, le Théâtre National Populaire, je ne connais rien de mieux au monde. J'y vais, je vais voir tous les spectacles. Et j'aime Villard par-dessus tout. Et quand je me décide à lui écrire et à lui demander un rendez-vous, et je pense qu'il a reçu La Fille de son père et La Jeanne de Bresson. Que vous lui demandiez-vous, Florence Delay, dans cette lettre ? Dans cette lettre, un rendez-vous. Je pense qu'il a accordé... Il avait rencontré mon père et il y avait une grande sympathie entre les deux. Et puis, il y avait eu ce film qui a eu un grand prix à Cannes. Mais dans ma lettre, ce que j'avançais, c'était l'abonné. J'arrivais avec la fierté de l'abonné, qui avait vu quasiment tout. Et finalement, je crois que c'est l'abonné qui l'a reçu. Et il m'a proposé d'être régisseur stagiaire au Festival d'Avignon suivant, qui était l'été 63. Vous ne vous y attendiez pas. L'objectif, non. C'était simplement de le rencontrer. Hein. Non. Non, c'était de lui dire « je ferai n'importe quoi, mais laissez-moi entrer ». Et il m'a laissé entrer. Et donc j'ai été... j'ai été régisseur stagiaire au Festival d'Avignon 63. J'ai été souffleur pour Thomas More, dans Le Trou. C'est lui qui jouait Thomas More. C'était une pièce... d'un anglais dont j'ai... Oh, pardon, j'ai oublié le nom. C'était pas une pièce extraordinaire, mais c'était une pièce à personnages et à enjeux historiques passionnants. Et puis, j'ai fait de la figuration dans La Guerre de Troie n'aura pas lieu. Avec, là aussi, c'est comme Cadichon, c'est une réplique inoubliable. Je disais « Oh là là !» Je passais avec un grand panier à linge que je tenais par une anse. De l'autre côté, il y avait Claudine Auger. Et on interrompait la discussion des adultes en riant et en disant « Oh là là !» Bon, c'était donc mes débuts. Et c'est alors que George Wilson m'a engagée comme assistante pour la première pièce qu'il montait à la rentrée suivante, puisque c'est lui auquel Villard avait confié la direction du TNP qu'il abandonnait. Il gardait celle du Festival d'Avignon. En 1963. 1963, c'est ça. Et là, vous étiez heureuse. Oui. Oui. Donc, j'étais assistante de Wilson. Et après, avec un peu l'aveuglement de la jeunesse, j'ai pensé que j'étais prête. Et j'ai décidé de monter, moi, deux pièces de Calderón que j'avais traduites avec mon amie Françoise Barthélémy, La Dame Fantôme, et un acte sacramentel. J'ai obtenu une licence de spectacle, un jour de première à l'Alliance française, et par miracle, un certain nombre de comédiens m'ont fait confiance. Certains du TNP, comme Charles Denner, ou Pierre Clémenti, que j'avais connu au Vieux Colombier. Mon parrain nous a laissé son appartement de fond... Il était à la retraite. Moi, j'avais un parrain qui était médecin aussi, Louis Pasteur Valerado. Il ne pratiquait plus. Il avait encore l'appartement. Il nous a laissé un appartement pour les répétitions. Et donc, je suis partie pour la vraie vie, sans me soucier de... J'ai été voir des tas de gens pour me financer. J'avais toutes les audaces. Et puis, je venais de me marier. Et mon mari a eu l'impression d'avoir une femme fantôme. Trop occupé. Et je pense que c'était lourd pour lui. Et voilà. Et il a dit qu'il voulait divorcer. Et à ce moment-là, l'acte sacramentel de Calderón que je montais, c'était le divorce du curé de l'âme. Je m'en souviendrai de cette pièce, vous voyez. Et donc, j'ai tout arrêté. Tout arrêté, la vie s'est interrompue. J'ai cru que je perdais le jeune homme que j'aimais, le théâtre que j'aimais. Et j'ai vraiment eu l'impression que... Et c'est alors que mon père m'a proposé d'une certaine façon un contrat. Il m'a dit, ou tu continues la vie de théâtre à ta guise, ou tu passes l'agrégation et on t'achète un studio. Eh bien écoutez, c'est le studio qui l'a remporté. Parce que l'idée de... Enfin, comment vivre? Et donc, dans ce studio, rue de la Harpe, j'ai commencé à préparer l'agrégation. Et petit à petit, je me suis rétablie et j'ai à nouveau aimé ce que j'étais obligée de faire. Ce qui est quand même une qualité, une petite qualité. C'est-à-dire, je ne me suis pas... La nostalgie est un sentiment qui regarde vers l'arrière et qui n'est pas mon... J'essaie de ne pas trop regarder vers l'arrière. L'arrière vous rattrape suffisamment. Il fait ce qu'il veut, l'arrière. Le passé vous rattrape. Mais je ne me tourne pas en arrière. Voilà. Donc, les comédiens ont été admirables parce qu'ils auraient pu... Il n'y avait pas de contrat. On était un peu dans une aventure... comment dire, une aventure sans... Sans engagement. Sans engagement. Et ils auraient pu m'en vouloir. Et ils ont tous compris que, voilà, ça s'arrêtait. Mais alors moi, je n'ai pas pu aller au théâtre pendant des années. Des années. J'ai sentiment un peu de honte, de responsabilité, de n'avoir pas mené. Et puis doucement, doucement, les choses se sont réparées. Et elles se sont réparées par l'écriture. C'est-à-dire que j'ai rencontré Jacques Roubaud, le poète Jacques Roubaud, et assez vite, décision a été prise de travailler ensemble. Sur l'écriture de théâtre. De travailler ensemble, sur quoi ? Sur ce qui était un objet des froids, enfin de regret pour moi, et pour lui quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et qui donc l'intéressait beaucoup. Et c'est alors que nous avons cherché une matière populaire, enfin dans l'optique TNP, une matière collective populaire, et nous avons cherché qu'est-ce qui était en France, porteur encore de plein d'histoires. Or, avec le XVIIe siècle qui coupe tout, notre âge classique, c'était difficile, il fallait remonter au-delà, plus loin. Et finalement, lui, passionné par la poésie des troubadours, auquel il a consacré une magnifique anthologie, connaissant très bien les troubadours, bon, la chevalerie, etc., les noms propres qui, même si on ne connaissait plus les aventures de Merlin, du roi Arthur, etc., le cinéma avait pris le relais, un peu à Hollywood. Il n'y avait pas encore le Lancelot de Bresson et le Perceval de Romère. Bref, on a décidé de se lancer dans une entreprise un peu folle qui était en 10 pièces de rassembler beaucoup, beaucoup de contes et de conteurs de toutes les langues et à partir d'eux d'édifier un cycle romanesque. Et parallèlement, je suis revenue au théâtre par la chronique dramatique. J'étais chroniqueur dramatique à la Nouvelle Revue Française pendant une dizaine d'années. Et c'est en écrivant donc, en écrivant des chroniques théâtrales et avec... Et alors, évidemment, il n'y avait plus d'intimidation. À deux, le monde est à vous, je veux dire. Et puis, à deux, que dis-je ? Nous étions des centaines. Parce qu'il y avait Chrétien de Troyes, parce qu'il y avait Wolfram von Eschenbach, parce qu'il y avait les anonymes des continuations du Graal. Donc, tout le monde venait à notre table ronde. Tout le monde était convié. Florence Delay, vous avez dit avoir voulu chercher avec Jacques Roubaud une matière populaire. Pourquoi ? Parce que, je vais vous dire, j'ai jamais aimé le théâtre de boulevard. Et pour moi, le théâtre est une aventure collective. J'étais très marquée par un magnifique essai de Bergamine qui s'appelle « L'Espagne dans son labyrinthe théâtral du XVIIe siècle ». Et la matière de Lope de Vega ou Calderón de la Barca, qui sont deux immenses dramaturges, elle vient de contes populaires, de romances, d'histoires qui volent de bouche en bouche. Et ce théâtre, au siècle d'or, contrairement à la France, était très aimé du peuple. Et il y avait des théâtres partout en Espagne. Et populaire parce que c'était la position de Firmin Gémier, puis celle de Villars, puis celle de Brecht. Voilà, c'est ça que nous souhaitions. Matière aimée de tous, destinée à tous. Et nous avons travaillé en deux temps, pendant plusieurs années, jusqu'à la parution de deux volumes chez Gallimard. Puis il y a eu un long arrêt. Un long arrêt, de par la vie. Et puis une reprise. Une reprise qui a été aiguillonnée par Marcel Bozonnet, alors administrateur du français, et qui, quand il était professeur au conservatoire, donnait souvent à ses élèves des scènes du Graal déjà parues à jouer. Et Bozonnet nous a dit, écoutez, quand vous aurez fini, la Comédie française enregistrera tout. Alors on a travaillé encore 3-4 ans avec Arthur, et on a achevé le cycle qui est paru en entier en 2005. Et voilà que, bonheur absolu, le TNP d'aujourd'hui, avec Christian Sciaretti à sa tête, et le TNS, Théâtre National de Strasbourg, avec Julie Brochaine, ont décidé, voici 2 ans, de représenter chaque année une pièce du Graal. Et cette année, ça sera Gauvin et le Chevalier Vert. L'année dernière, c'était Merlin l'Enchanteur. Et donc, vous voyez, là aussi, certains échecs surmontés ont trouvé une issue favorable. C'est la réconciliation avec l'échec du Calderón. Du Calderón, quand vous aviez une vingtaine d'années. Mais la chose la plus étonnante, c'est pour ça que le théâtre est une mine à histoire, comme la tauromachie d'ailleurs. Un des grands bonheurs, c'est les histoires qu'on raconte autour. Or, il se trouve que je ne connaissais pas Christian Sciaretti une brochure du divorce du corps et de l'âme était tombée par miracle entre ses mains. Donc la fameuse pièce que vous aviez la traduite. La fameuse pièce que j'avais traduite et non montée. Et comme il voulait monter le grand théâtre du monde à la Comédie française, il cherchait une autre pièce, parce que ce sont des pièces courtes, et il voulait monter mon divorce, enfin, pas mon divorce, mais enfin, d'une certaine façon, ce divorce-là. Alors, je n'en revenais pas. Et j'ai tout de suite accepté, à condition de tout retraduire. Parce que... 20 ans plus tard, c'était en vous repenchant sur la traduction. Oh là là. Parce que là, vraiment, c'était... D'abord, c'est pas le divorce du corps et de l'âme, c'est procès en séparation de l'âme et du corps. Et d'ailleurs, peut-être que si j'avais intitulé procès en séparation, je n'aurais peut-être pas divorcé, je n'en sais rien. Mais le plus grave défaut de ma traduction... juvénile, c'est que, allez, on le dit, je coupais tout ce que je ne comprenais pas. Bon. pour donner plus de diversité, vous voyez, à l'ensemble. là, ça a été un vrai bonheur de reprendre à zéro, et puis de comprendre ce que je ne comprenais pas, que je finissais par comprendre. Parce qu'entre-temps, vous étiez aussi devenue peut-être une traductrice plus aguerrie, Florence Delay. Et puis, j'avais une expérience de traducteur, et puis aussi les études. Et puis aussi, un retour vers les grands textes de la religion chrétienne. Et par exemple, quand Calderon citait les pères de l'Église, ça ne me faisait plus peur. J'allais voir ce que disait justement ce père de l'Église. Donc, les réticences étaient tombées et j'étais prête à m'agrandir d'autres études et de... Voilà. Donc, c'est en ce sens, si vous voulez, que tout tourne en rond dans ma vie. C'est peut-être pour ça que j'aime tant le rond de la reine. C'est que, finalement, c'est abandonné, puis ça revient, puis ça s'éloigne, et ça me fait penser à ce que dit Gertrude Stein, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui m'a enseigné beaucoup de choses. Elle parle de l'insistance. Et au fond, il y a quelque chose qui insiste en soi, et si ça insiste en soi, ben, ça peut cogner à votre vitre à n'importe quel moment. Ça revient. Voilà. Et si c'est profond. Vous disiez en début d'entretien, Florence Delay, que le théâtre, c'était la belle vie. Est-ce que c'était aussi tout simplement la vraie vie ? Alors, la belle vie est un propos juvénile parce que depuis, j'ai connu des comédiens et des comédiennes que j'ai aimés. Et je sais que c'est pas la belle vie. Que c'est une vie difficile pour beaucoup, que finalement la sécurité existe peu. Elle existe quand vous êtes dans une troupe, mais combien d'intermittents pour des comédiens assurés de jouer et de gagner leur vie. Donc c'est peut-être pas la belle vie, mais c'est la vie rêvée. Je veux dire, c'est une vie qui m'a toujours accompagnée. Oui, vous dire aussi une chose, c'est que parmi les chefs-d'œuvre de Calderon, un de ceux connus en France, parce que la France connaît très mal le théâtre espagnol, c'est La vie est un songe. Et le mystère de la langue veut que le mot sueño, la vida es sueño, en espagnol veut dire à la fois le rêve, le songe et le sommeil. Donc je ne sais pas si on dort quand on joue, mais ou si on rêve, mais c'est très important dans une conception de la vie de se poser la question de est-ce que la vie est un théâtre, le grand théâtre du monde, dit aussi, est-ce que nous ne jouons pas notre rôle le mieux que nous pouvons ou le plus mal que nous pouvons sur les tréteaux du monde. Enfin, tout ça draine une suite de métaphores qui m'a beaucoup impressionnée et finalement auquel je crois toujours. Merci beaucoup Florence Delay et à demain. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay. De la série À Voix Nue, consacrée à Florence Delay, ont été diffusées pour la première fois sur France Culture les 29, 30 et 31 octobre 2012. La suite, bientôt dans les nuits de France Culture.